Fil d'arrêt de retour, t'as pété les plombs direct. Ah, arrête, je peux péter à tout moment les plombs. Tu peux péter les plombs à tout moment, non, c'était très sympa. Nous allons jouer au petit jeu de fléchettes, puisque t'as gagné ça hier dans une fête foraine. Ouais. Donc on a ramené des ballons, et j'espère que les auditeurs vont aller se précipiter demain dans des supermarchés, dans des grandes surfaces pour aller acheter des ballons, qu'on n'aura plus qu'à gonfler, et on se fera des concours de temps en temps de fléchettes. Donc on va le faire sans plus tarder. Qui veut participer? Qui veut le faire? Ah moi je veux bien. Hein. Allez, ah, allez. Alors qui veut le faire? Marco, tu veux le faire? Bien. Allez Marco, Marc aussi. Allez Marc. Allez tout le monde. Allez Marc, Marco, Gérard, Fildar, Anka, Manu et moi. Attention, qui va commencer? Allez Marc, si tu veux, allez, tu vas démarrer. Gérard, deux fléchettes. Tu restes bien devant les ballons, Gérard. Non, alors tout le monde va reculer parce qu'on va prendre, on va tirer de loin parce que bah, sinon on va tous les défoncer les ballons. Il y a combien de ballons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ballons. On va jouer de loin. Hein. Ah ben de derrière, on va jouer de derrière là, voilà, de derrière. Par allez, contre, de là. Parce que c'est attention, c'est Gérard qui démarre. Attention, deux fléchettes pour exploser des ballons. On est à combien en distance? Approximativement de 4 mètres. 4 mètres. 4 mètres. 4-5 mètres de distance. Attention. C'est parti. Non, mais pas mal, pas loin. Zéro. Non, pas pour le moment. Attention, deuxième essai. Ah non, pas de deuxième. Ah bah non. Ah non, je veux dire un autre. Attends, tourne, ouais. Allume un autre micro là pour que ça soit encore plus hop d'ambiance, là, plus devant. Un peu là, c'est magnifique. Gérard zéro. Allez, qui veut le faire? Marc. Allez Marc, attention, c'est ta Marc. Non, parce qu'il est dangereux Marc. Attention, Marc va le faire, un jeu de fléchettes. Non, presque. Attention. Non plus. Oh, ah pas loin non plus les deux. Ah, là, il avait bien visé. Zéro. Qui veut le faire? Non, non. Allez Marco, allez, c'est au tour de Marco cette fois-ci. Bon. Ensuite ça va être Fildar. Attention. Oh presque. Oh, il y en a un qui est tombé mais malheureusement il n'a pas été explosé. Attention. Non plus. Attention, c'est au tour de Fildar. Ça doit pas être facile, non? Non, c'est un peu loin. C'est un peu loin d'ici, hein. Ouais. Ouais, ouais, on va quand même aller jusqu'au bout du jeu. On fait une tournée comme ça, puis si on voit que c'est trop loin, on fera preuve. Ok, pas de problème. Fais gaffe à ce que tu peux toi là-bas. Allez, vas-y. Attention, fil d'art. Attention. Attention. Ah, mais presque. Non plus. Allez vite. Non, il ne s'est rien passé. Allez vite, Anka. Allez vite, on va essayer de speeder maintenant. Attention, mais reste là, Gérard. Pas besoin d'aller. Ah d'accord, c'est lui qui ramène. Allez, Anka, attention. Oh, c'est pas bon. Non, laisse tomber. On va faire vite. C'est pas grave. Allez, c'est une fille. Elle a raison. Allez. Allez. Ah, elle en a explosé. Non, après, non. Non, d'accord, ok. Allez, à Manu. Ouais, il est touché, lui. Hein. Il est touché? Non, putain, il est blessé. Amène un peu l'hôpital. Il y en a qui a un ballon qui est blessé. Concours de fléchettes avec des ballons à exploser de loin dans le studio de Fun Radio. C'est vraiment la fête foraine ce soir. Attention, c'est au tour de Manu. Ouais! On l'a entendu, Manu l'a fait. Bravo, et dehors. Attention. Oh, presque! Attention. Oh là, voilà la bête. Allez à moi. Allez, attention. Allez, pousse-toi encore. Allez. Ah, le chef a tiré sur une barre. Attends. Allez, deuxième fois, on recommence. On se met un peu plus près. On va se mettre un peu plus près ou... Ouais, on se rapproche un peu. Ouais. Ah, je l'ai explosé, l'autre, elle est... Elle est là. Allez, on recommence. Dans le même ordre ou Gérard, non, tu veux faire... Non, on le fait de là, maintenant. Allez, on le fait de là, contre là. Allez, là. Ici. Il faut être avoir le cul, là. Voilà, attention, deuxième fourneau, on s'est rapproché d'un mètre. Non, toujours pas. Gérard, zéro. On sent qu'il a tourné en foire, lui. Hein. Allez, autour de qui? Peu importe. Fildar, tu veux le faire? Allez, dans l'ordre, allez, Fildar, allez, vas-y. Hop. Et après, on va faire Manu, on va faire... Allez. Fildar, pour un deuxième lancer de fléchette. Ouais, ah ouais. Non. Allez, attention, c'est au tour de Manu maintenant avec deux fléchettes, les enfants. Et ensuite, Fildar s'installera pour ce qu'il a à faire. Attention. Ouais. Manu, bien joué encore. Hein. Ouais. Il reste plus beaucoup de ballons, hein. C'est bien, ça doit donner de l'autre côté de la radio. Tiens, c'est... Je suis en train d'écouter des missions où des mecs qui jouent aux fléchettes avec des ballons dans un studio de radio. Mon Dieu, que c'est passionnant. On est désolé, hein. Attention, c'est au tour de Marc. Les deux en même temps. Ah, il y en a un qui est tombé, mais non, il n'a pas été explosé, désolé. Allez. Il a lancé les deux d'un coup. Il a voulu faire très sportif, Marc. Il a voulu gagner du temps. Il a lancé les deux. Attention, c'est au tour de Marco. Alors, le premier. Ouais! Ah, bien joué. Attention, le deuxième.